Je me suis inscrit sur un site pour y faire une rencontre honnête. Trouver une fille qui m'invite sur Internet, sur Internet. J'ai pris un pseudo de poète, me suis décrit comme un athlète. J'ai coché j'aime les blondinettes sur Internet, sur Internet. Une inconnue a répondu, mon profil ne lui a pas déplu. Je l'ai vu hier dans une fenêtre sur Internet, puis disparaître. Elle a posté des photos nettes. A-t-elle choisi les plus parfaites? Mais j'ai craqué sur sa binette sur Internet, sur Internet. Elle me dit j'ai roulé ma bosse. À propos, aimes-tu les gosses? Elle me dit même que peut-être sur Internet l'amour peut naître. Elle cherche l'homme de sa vie qui lui fera tourner la tête et qui tweetera dans son lit, pas sur le net mais sous sa couette. Mes doigts caressent le clavier, je lui fais l'amour en cachette. L'imagine déshabillée, pas sur le net, ce serait chouette. Je lui propose une rencontre, elle me dit je ne suis pas contre. Afin que l'on se rende compte, pas sur le net, n'ayons pas honte. Demain je la verrai peut-être, à zéro j'ai le trouillomètre. Me pardonnera-t-elle mes sornettes? En tête à tête, serais-je honnête? Je pourrais lui compter fleurette, beaucoup mieux que sur ma tablette. Je pousserais même la chansonnette, en tête à tête, ce sera la fête.